prénom. L'After Job avec Francky, aujourd'hui de 17h à 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo. Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Pero nos amamos, ay, padre. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía, mami. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos, y ahí vamos. Tenerte en mi vida, vida mía. No importa si estás lejos, siempre te siento presente. Y estoy pendiente de ti frecuentemente. Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es para nuestro futuro, yo no sé por qué me celas. No soy un santo, tampoco ando en cosas malas. Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas. Somos por los supuestos y por eso nos gustamos. ¿Qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos? Y ahí vamos. Pero nos amamos, ay, vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía, mami. Todos los días yo la tengo que ver. Así peleemos primero, mi mujer. Mami, no me celes tanto, que yo siempre me conmuevo con tu llanto. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie besé. Yo solo tengo ojos pa' usted. Relájate, despreocúpate. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie besé. Yo solo tengo ojos pa' usted. Relájate, despreocúpate, que ahí va. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos, y ahí vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía. Ay, la nena, tranquilícese. J Balvin, the business man. Que en la calle a nadie besé. Sky, rompiendo el bajo. Nena, nena, tranquilícese. Mosty, pull nene. Que en la calle a nadie besé. Infinity Music, let's go. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho. The business. One, two, three, let go. Avec Francky, aujourd'hui, de 17h à 19h, sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Deeper inside.

cette vie, celle d'après sera mon unique projet. Je m'en irai poser tes portraits. Job avec Francky l'après-midi. Le corps After Job avec Francky l'après-midi. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard, puis je vous offre des places pour le laser game. Appelez-moi tout de suite, 02 38 43 48 00. Elvis Crespo et puis notre invité qui vient d'arriver dans moins de 10 minutes en direct. en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Mi pena, ya te pasa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. En tu cara veo cosas que no debo de mirar. Tu sonrisa luz y tierna, no dejo de imaginar. No dejes sonreír, te lo pido por favor. Que esa sonrisa hermosa es la que quiero yo. Esa sonrisa hermosa es la que quiero yo. Algo en tu cara me fascina. Le son latina avec Sonrisa, Elvis Crespo. La météo pour demain, ben le ciel, ben c'est la même chose. Et voilà. La météo. Demain matin, le ciel est encore chargé de nuages, très gris malheureusement. Les températures, 15 degrés au lever du jour. L'après-midi, on va monter jusqu'à 20, mais le ciel sera encore menaçant avec quelques averses. Voilà. Et puis soyez prudents aussi sur la tangentielle avec des travaux, hein, en arrivant de Chessy direction Orléans sur la tangentielle vers le rond-point Dior, comme vous connaissez. Eh ouais, encore des travaux, toujours et encore, toujours et encore. Un Nikama, ça arrive. Et c'est Nikiam. Et puis notre invité en direct dans les studios de la radio. Qu'est-ce qu'un courtier en assurance? Eh bien, on va en parler dans moins de 5 minutes avec Christelle qui est notre invitée aujourd'hui sur Radio Arc-en-Ciel. Porque quieres engañarte si tú bien sabes que ahí no hay amor, que es imposible que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó. Dime si cuando yeah. Mikama, c'est Nicky Yam sur Radio Arc-en-Ciel. Dans moins de 4 minutes, notre invité Christelle dans les cieux de la radio. Qu'est-ce qu'un courtier en assurance? Eh bien, vous allez en savoir plus. Des réponses et des questions, justement, vous pouvez aussi nous appeler 02 38 43 48 00. Le meilleur des souvenirs. Et puis notre invité qui arrive, voici Jean-Jacques Goldman. Et on ira. On sait pas où on va, mais on y va. Droit dans le but. Goldman sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis notre invité dans 4 minutes en direct. Goldman, Jean-Jacques, 17h40 minutes sur la Conciel. On va le laisser finir quand même. Notre invité est impatient dans les studios. On est en live aujourd'hui, 96 de FM. Merci. Bienvenue sur Orléans. Il y a du monde qui nous regarde. Bien, mon pote, l'émission On Rock est là aussi en direct. Je le salue. Je suis en train de mater sa vidéo. Salut, mon Fabien, ancien chroniqueur sur Radio Conciel. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est l'invité du jour, et puis on va parler assurance. On reçoit Christelle qui est dans le studio. Bonjour Christelle. Bonjour Franck. Ça va la forme? Oui, ça va. Très bien. Ouais, c'est pas super la forme pour tout le monde en ce moment, hein, mode Covid obligé. Et puis avec toutes les nouvelles restrictions qui arrivent, ça, c'est un peu à péter un câble, on va dire. Hein. J'ai eu pas mal de potes au téléphone qui commencent à avoir un peu ras-le-bol. Mais bon, on va subir encore un petit peu. Aujourd'hui, on va parler, on a reçu le Lions Club, c'était sympa comme invité. On va parler d'assurance. Alors, c'est peut-être des gens qui vont se fâcher après les assureurs, on sait pas, il y en a qui sont peut-être fâchés avec. Oui. On va essayer de les réconcilier. On va parler de courtier en assurance. Alors, beaucoup ne savent pas ce que c'est qu'un courtier en assurance. Alors, on va peut-être pouvoir expliquer, Christelle, si tu veux bien, qu'est-ce qu'un courtier en assurance aujourd'hui? Bonjour à tous et merci de nous accueillir, Franck. Normal, tu me feras un chèque à la fin. Donc, c'est vrai que souvent l'amalgame entre un agent général, un courtier d'assurance. On mélange tout, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, mais c'est exactement ça. Mmh. Donc, un agent général d'assurance représente une compagnie, une seule et même compagnie. Et l'avantage d'un courtier en assurance, c'est qu'on va pouvoir offrir à nos clients le choix de plusieurs compagnies. Donc, c'est offrir en toute impartialité le choix de plusieurs compagnies et forcément pour les clients de meilleurs prix et de meilleures prestations du marché. Ouais. Donc en fonction de certains critères, hein, forcément on va orienter les personnes. Clients. Voilà, ouais. Absolument, oui, en fonction de différents critères qui vont être selon le profil. Puis selon le besoin aussi. Ouais. Voilà, donc effectivement, un certain nombre de critères vont rentrer en ligne de compte. C'est le profil tout d'abord, ça va être la première des choses, la situation familiale. Ouais. Selon qu'on soit seul, en couple, avec... Séparé, divorcé. Oui. Ça compte tout ça. Ouais. Et oui, ça compte parce que c'est vrai que certaines compagnies vont avoir des offres plus adaptées avec des remises sur des personnes seules. Des monoparentales ou pas forcément d'ailleurs, donc en fonction de ces critères, de la situation familiale, l'âge aussi, l'âge compte beaucoup. C'est important. Et oui, ouais. Parce que effectivement, si on prend une mutuelle à 20 ans, 40 ou 80 ans, le tarif déjà. C'est pas pareil. Non, l'âge va définir le tarif déjà. Après, bon, évidemment, les garanties, mais surtout l'âge va définir. Donc, à garantie équivalente, c'est vrai que à partir d'un certain âge, le tarif peut devenir extrêmement important. Donc, plus on vieillit, plus on paye. Non, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors oui, il y a plus de risques aussi, peut-être. Pas forcément. Non. Bah ça, c'est souvent une idée reçue. C'est ce que je me dis. C'est ce qu'on nous dit. Je vieillis, donc je consomme plus. Donc pas forcément, parce que on va consommer différemment. Beaucoup de personnes seniors, parfois sont prises à 100%. Donc c'est surtout la sécurité sociale qui prend en compte. Et souvent, on se rend compte que les besoins ne sont pas forcément mis en place. On a des personnes qui gardent leur contrat très longtemps, qui ne les revoient pas, et ces besoins ne sont absolument plus adaptés. Ouais. Et c'est un réel problème. Et c'est quelque chose qu'on rencontre au quotidien. Des personnes qui ont des contrats plus forcément adaptés aux besoins du jour. Okay. Comment aujourd'hui on reconnaît un bon d'un mauvais courtier? Il y en a peut-être des mauvais, non? Je sais pas. C'est une mauvaise question peut-être. Oui, alors un bon ou mauvais courtier, on sait pas. Nous déjà on fait partie des bons. Oui, c'est bien évidemment. Si vous êtes là, c'est que vous êtes des bons déjà. Absolument. Non, mais c'est une image bien sûr. Hein, mais ouais, non. Alors, moi, comment ne pas se faire arnaquer, voilà un peu. Alors moi, j'attire quand même l'attention sur le téléphone. C'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de personnes sont contactées. Alors bon, il y a pas. Ils en ont un peu marre les gens hein, quand les appelle tout le temps. Oui, il y a beaucoup de sollicitations, c'est vrai, énormément. Et là, c'est vrai qu'il peut y avoir des personnes pas forcément bien intentionnées. Mmh. Donc là, c'est quand même quelque chose où on met en garde parce que ces personnes souvent âgées sont contactées. Sont crédules aussi un peu hein, les personnes âgées des fois. Hein. On prend le temps de leur parler, de leur vendre des choses, de vendre ce qu'on a envie d'entendre, et c'est pas forcément les... Faut bien lire les petites lignes, hein, à chaque fois. Hein. C'est ce qu'on dit aussi. Il faut lire les petites lignes, mais bon, c'est vrai que au téléphone, faire très attention. Moi, je conseille toujours à mes clients, à la limite, peu importe l'assureur, mais avoir une personne en face de soi. C'est important. Oui, quelqu'un. Plutôt qu'une plateforme. Bah, avoir quelqu'un qui s'occupe de vous, la proximité, c'est vrai qu'aujourd'hui on revient et c'est très bien, on revient vraiment à ces valeurs de proximité, d'avoir quelqu'un. C'est en bien face, aussi hein. D'aller chez les gens un peu le porte à porte comme à l'ancienne, hein, d'aller les voir et puis de pouvoir discuter avec eux. Oui, alors ça fait partie des services justement que l'on propose et ouais. Notamment on a mis en place des services spécialement dédiés aux seniors parce que bon, les personnes avec les personnes plus jeunes, on va travailler davantage par devis, par mail, mais le fait de se déplacer, c'est quelque chose de rassurant. Ouais. Le service à domicile, pas que pour vendre des contrats d'ailleurs, hein, ça c'est toujours ce que je dis, c'est aussi pour assurer le SAV s'il y a besoin. Si on peut dire, c'est retourner voir nos clients régulièrement, même ne serait-ce que pour récupérer un remboursement, un soin, peu importe, mais garder cet échange et puis de manière à pouvoir reprendre les besoins parce que on se rend bien compte que les besoins changent, évoluent, ce qui un contrat d'assurance à un moment donné va correspondre à un besoin et un an ou deux après, ans après ça ira plus. Oui, et puis surtout, on aura de grosses augmentations, ce qui se passe actuellement. Là, c'est la catastrophe, hein, on va dire, pour tout le monde, hein, quasiment maintenant. Tout le monde est un peu touché. Hein. Bah, y a beaucoup, effectivement. Alors nous, dans notre métier, surtout en ce qui concerne l'assurance santé, au vu de la dernière réforme gouvernementale, notamment, du 100% santé, donc le zéro reste à charge, ce qu'on va évoquer un peu. Depuis le 1er, c'est ça, janvier. Alors, depuis le 1er janvier, cette réforme a été mise en place. Moi, tous les jours, je me rends compte que les gens savent plus ou moins que quelque chose est en place, mais pas quoi. Ouais. Alors, on l'explique. Alors, c'est coûte cher. J'ai une auditrice qui me dit ce qui coûte cher, c'est surtout les dents dentaires, les soins dentaires. Alors, c'est ce qu'on me dit. Oui, il faut savoir que les bases de remboursement sécurité sociale n'avaient pratiquement pas été réévaluées depuis 40 ans. Ouais. Donc forcément, le coût, notamment sur des couronnes, parce que bon, le soin est remboursé complètement. Donc c'est vrai que cette réforme va faire du bien. Oui, donc elle a permis déjà, donc depuis janvier 2020, de prendre en charge avec cette offre 100% santé l'intégralité des soins de couronne ou de prothèse. Mais voilà, ça, c'est bien. Voilà. Mais par contre, voilà, avec effectivement des conditions, hein, des conditions. Les conditions, c'est selon la localisation des dents à refaire. On va pouvoir bénéficier d'un matériel de céramique, notamment sur les dents du sourire, hein, donc les dents qui se voient, les notamment. Les dents de devant, c'est les plus importantes. Et oui. J'ai un pote, il n'y a plus de Ken's. Attends, je lui ai dit, va chez le dentiste pour ça. Ça coûte cher aussi. Oui, un peu d'humour, ça fait du bien aussi. Oui, ça coûte cher. Salut, mon pote Ludo. Eh bien, tu balances des dents. Eh bien, Ludo, si tu nous écoutes, tu pourras te faire refaire les dents gracieusement à partir de janvier, c'est démarré. Voilà. Donc, ça, c'est sur le poste dentaire. Et pour les plus âgés, donc ça, l'optique. C'est. Alors, pour terminer sur le dentaire, à partir de janvier 2021, la mise en place du remboursement intégral pour les appareils amovibles. Donc ça c'est une dentier. Voilà, ce qu'on appelle le dentier. Ça donc pourra être pris en charge intégralement par votre mutuelle. Le 100% santé, évidemment, faut avoir une mutuelle. Hein. Ouais. Ça c'est bien. Voilà. Ça c'est une bonne nouvelle. Oui, très bonne nouvelle. Pour ceux qui ont projeté de se mettre un dentier dans quelques mois là. Non mais c'est vrai, il y en a, mais ça coûte tellement cher. Moi j'avais fait un devis pas pour un dentier mais pour des dents du fond là. Waouh, faut faire un crédit hein, limite hein. Ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui, les gens font des crédits ou partent se faire soigner à l'étranger. Ouais, pour des dents, ça fait peur quand même. Oui, c'est pour ça que cette réforme a été mise en place, parce qu'il y avait un vrai besoin. Aujourd'hui, trop de personnes ne peuvent plus ni se soigner les dents, ni avoir accès aux appareils auditifs, notamment aussi. Parce qu'avant, il y avait la peur du dentiste, on avait peur de la roulette, etc. Mais maintenant, c'est la peur de la facture. C'est ouais, un peu ça, ouais, hein. Ouais, non, ouais, mais ouais, ça, il faut être honnête, hein. Ça peut être excessivement important. Une couronne, on est sur des bases de 600 à 800 euros pour une couronne en céramique. Ouais. Ouais. Ouais. Imagine, 7-8 dans les dents, c'est beaucoup. Hein. C'est énorme. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir cette possibilité. Donc, sur tous les contrats d'assurance, maintenant, de Mutuel Santé, vont prendre en charge, ont déjà pris en charge depuis janvier 2020, les appareils dentaires, donc ouais. La couronne dentaire, pardon, et à partir de janvier 2021, l'appareil de dentaire. Et un nouveau marché qui arrive aussi sur les assurances, c'est les banques. On en pense, t'en penses quoi, vous, les professionnels des assurances? Les banques qui font assurance maintenant? Alors là, depuis quelques années déjà. Hein. No comment, hein, parce que bon, moi je pense que chacun son métier, c'est ça, non? Ouais, bon voilà, ouais. Chacun son métier. Je pense que bon, après, aujourd'hui, ça fait partie de toute façon, tout le monde touche un petit peu à tout. Je pense que l'essentiel, c'est déjà de maîtriser ce qu'on doit vendre. L'assurance est un métier à part entière qui demande beaucoup de. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de réformes, ça bouge beaucoup. Donc après, bon, il y a des banquiers qui savent vendre les contrats. Bah ouais, ça vend, hein. Heureusement, bien sûr. Mais voilà, je pense que l'assurance est un métier à part entière. C'est ça, c'est sûr. Comment on devient? Une question. Attends, comment on devient quoi? Courtier en assurance, c'est une question simple. Ouais, comment? Bah, comment on devient? Il faut des diplômes, il faut quelque chose. Oui, alors soit des années d'expérience, ouais. Soit effectivement il y a des formations ou diplômes, effectivement diplôme d'assurance, oui. Soit par le BTS, mais après on peut le devenir ou en ayant travaillé dans un cabinet, ce qui permet d'acquérir ces équivalences. Ouais. Mais on peut toujours changer d'orientation comme dans beaucoup de choses. Hein. Ouais. Est-ce que c'est facile aujourd'hui en mode Covid d'être courtier en assurance malgré tout ce qui se passe? Je crois. Après, vous, c'est beaucoup de télétravail, non? Peut-être, non? Alors, le télétravail, oui, mais alors, nous, on tient quand même toujours à garder cette proximité. Donc, avec les clients, c'est plus difficile avec les nouveaux clients, parce que forcément, les prises de rendez-vous sont un peu moins faciles, mais bon, on est dans un métier, on a besoin d'assurance, hein, de toute façon, ouais. On a besoin, ça bouge beaucoup. Quand on reçoit son nouvel échéancier, ben on se rend compte qu'on a des choses à revoir. C'est souvent ce qui fait bouger. Donc ouais. Effectivement, c'est quand même un métier où il y a du travail, c'est sûr. Mais bon, après. Comment un courtier arrive à s'allier avec des grosses compagnies d'assurance? Alors c'est quoi le terrain d'entente que vous arrivez à négocier? Est-ce qu'il y a un protocole à respecter avec oui, eux? Ouais. Bien sûr, oui, bien sûr, on a des protocoles. Hein, on vend pas, on décide pas de produire une compagnie. On a des protocoles, bien sûr. Donc là derrière avec un cahier des charges. Hein, ouais. Si on travaille avec des compagnies, bon moi je travaille notamment avec des compagnies comme Malakoff, Humanis. Des grosses compagnies, ouais. Voilà, ouais. Des grosses compagnies. Apivia, le groupe Massif, Swiss Life, Ener. Donc, ouais, des grosses compagnies. Des grosses compagnies, donc ce qui nous permet d'avoir une offre assez élargie et des offres intéressantes. Intéressantes, ouais. Voilà, des offres intéressantes. Après. C'est sur le long terme, on va avoir des protocoles à tenir avec des offres et puis bon bah voilà, tout le monde s'y retrouve. Nous on a de bonnes possibilités avec des compagnies de ce type, donc qui nous permettent d'avoir des offres des bonnes propositions. De bonnes propositions, ouais. Ouais. Comment on voit l'avenir aujourd'hui alors avec tout ce qui se passe, ils annoncent encore des couvre-feux, des choses comme ça. On n'est pas encore concerné, mais bon, on est dans la zone rouge quand même, Orléans. Bah, l'avenir, de toute façon, on navigue un peu à vue actuellement. C'est vrai que on vit un peu au jour le jour, à la semaine en ce moment. Hein. C'est un truc de fou. C'est je sais pas comment l'État français s'y retrouve là, où avec le chômage partiel, ils vont reconfiner, ils vont mettre des gens au chômage. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Bah ça, de toute façon, aujourd'hui, c'est, je pense comme dans toute activité, c'est difficile. Bon, nous, on adapte, hein, donc on reçoit, au bureau sur rendez-vous. Donc c'est vrai que on essaye de recevoir sur rendez-vous dans nos locaux. Après, on se déplace beaucoup, donc c'est vrai que du coup, on a moins ce problème. Et puis, beaucoup de télétravail sur la partie gestion. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on travaille beaucoup plus par internet, par signature électronique. Bon, même on a quand même des possibilités dans nos métiers, c'est sûr, par rapport à d'autres. Eh ben, aujourd'hui, on en a appris beaucoup plus sur ce métier de courtier. Je vais te laisser le dernier mot, si tu veux bien, Christelle. Eh ben, écoutez, t'as d'autres choses à rajouter avant qu'on se quitte dans. Donc, on en a appris beaucoup. Hein, les gens qui sont même surpris là sur les dents, le remboursement, c'est important. J'allais m'acheter des dents moi demain. Hein. Alors sur les dents, mais c'est aussi sur les lunettes. Ça coûte super cher. Moi j'ai vu les factures, hein, c'est un truc de fou. Les lunettes, donc pareil, tu peux bénéficier maintenant, de... là. Oui, ça c'est parti depuis. Je vais les appeler là. Ouais. Oui, tu peux. C'est 100%. 100%. Alors avec des conditions, hein, parmi un choix de monture et de verre, bien entendu. Ah ouais. Mais aujourd'hui, effectivement, on a la possibilité d'avoir les lunettes intégralement remboursées. Et à partir de janvier 2021, pour les personnes appareillées en auditif, le remboursement intégral. Hein? Oui, le remboursement. De quoi? Non, c'est pas sympa. J'en ai pas encore. Je suis blagueur. Je vais te donner j'entends pas. Des contacts d'audioprothésistes. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que les lunettes, ça coûte cher. Hein. Oh la vache, quand je vois le prix des verres. Hein, ça... C'est excessivement cher. Donc, voilà. Bon, moi, ce que je conseille, donc là, on reçoit, les clients commencent à recevoir les échéanciers de fin d'année. Donc, avec des hausses relativement importantes. Entre 10 à 15%, donc il ne faut pas hésiter à comparer, à négocier, à revoir ces contrats. Donc écoutez, nous en tout cas, on vous attend avec plaisir. Ouais. Vous pouvez nous contacter, on se déplace à domicile ou dans nos bureaux. En tout cas, ce sera avec plaisir. Ouais. Il n'y a pas d'engagement. On fait un petit point santé avec une analyse de vos besoins, de ce que vous consommez. Et vraiment un petit point santé pour vraiment orienter au mieux et faire la meilleure proposition adaptée. Ouais, pour savoir où on va. Voilà, donc on est... Vous êtes où? Vous êtes où? À Orléans? Paris? Alors, non. Beaucoup plus proche de toi, donc à Saint-Jean-de-Bray. Ah ouais, belle ville Saint-Jean-de-Bray, on les salue. Ouais, voilà, très sympa. J'aime bien, ouais, ça me dit sympa. Donc vous pouvez nous contacter au 02 38 15 96 28 et le cabinet, donc c'est cabinet CBS Courtage et une joie de vous recevoir, un plaisir et puis faire les meilleures offres possibles. Bon, en tout cas, on en a appris mieux, on vous a éclairé sur le courtier en assurance aujourd'hui, vous qui posez encore des questions. Merci d'avoir été notre invitée, Christelle. Merci, Franck. Et bonne journée en mode Covid. Ouais, bonne soirée à toi et puis bon courage pour la suite. Hein. Ouais, ça va le faire. Et Sharon sur l'arc-en-ciel. For me, well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling. someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love. Job avec Francky le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Arc-en-Ciel 18h01. Je vous rappelle la météo pour demain. Le temps est nuageux, pluvieux malheureusement. Les températures 15 degrés au lever du jour. On va pas dépasser les 20 l'après-midi. Donc demain, bah, le kawaii pour tout le monde. Voici un peu de tendresse, cette douceur et du soleil. Ça fait du bien avec Elisio et ses mélodies sur Arc-en-Ciel. Fermero con milicia, guerra, guerra, tutta gang cremata, speranza urbana franza, non deixa di patras, non sto mil ma calembranza. à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Yeah, you wanna know? Act just like you know. Ooh, whoa, whoa. You just ought to know. Ooh, yeah. Just step right up, keep the fire light, like you know. Qu'est-ce que j'aimerais danser encore sous la boule à facettes si on pouvait. Ah, ça nous manque les clubs, hein, mais on espère l'année prochaine le retour des discothèques. Hein, et puis courage à nos amis des bars aussi qui ferment à Orléans à 22h, à tous les restaurateurs justement. Si vous avez un coup de gueule à pousser, bah allez-y. Hein. 02 38 43 48 00, la libre antenne, c'est le moment. L'After Job avec Francky, c'est tous les lundis et mardis sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. 02 38 43 48 00, la libre antenne, elle est pour vous. Vous pouvez vous lâcher. 18h12 avec Gloria et Stéphane, un peu de soleil, ça fait du bien dans ce monde pourri. Bah ouais, faut le dire les choses. Hein. Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Caliente, le meilleur des souvenirs avec Gloria et Stéphane. Bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel avec un temps pourri sur Orléans. Bah oui, de la pluie, hein. Prudent sur la tangentielle, hein. En venant de Chessy direction Orléans, il y a quelques bouchons, hein. C'est réduit. Bah, soyez très très prudents puisque ça glisse. Donc, levez un petit peu le pied. Une artiste que j'ai découvert qui reprend à merveille Je n'ai que mon âme de Natacha Saint-Pierre. Voici Emily Shade et on adore. Je crois, ne se dit pas. avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Job avec Francky le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. jusqu'à 19h. Rodrigo Hayes qui sera au téléphone avec nous. Eh ouais, lundi. Une petite apparition avec les courriers sur téléphone. Bon, il va nous en parler lundi au téléphone. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et puis le meilleur des souvenirs à l'ancienne avec George Benson qui arrive. Ça serait bien. George Benson, le meilleur des souvenirs avec du son, funky music sous la boule à facettes, peut-être dans la voiture. Vous rentrez du job là, bah courage à vous, hein, ça y est, la dernière ligne droite s'est franchie. Prudence sur la tangentielle, hein, du côté de Chessy, direction Orléans. Ouais, ça bouge pas mal. La météo qui arrive pour demain, bien on prend les mêmes et on recommence. La météo. Et ouais, demain matin, le ciel est très nuageux, pas mal d'averses aussi, des pluies en après-midi, les températures relevées du jour 15 degrés, on va pas dépasser les 20 degrés, mais le ciel reste menaçant avec quelques rayons de soleil, mais très très timides. Normalement, le soleil devrait faire son apparition en fin d'après-midi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une deuxième bonne nouvelle, direction l'Italie, une voix que vous adorez sur l'arc-en-ciel, avec Eros Ramazzotti et Sebastase una canzone, 18h31, on est en direct. Bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già, non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di

adore. C'est quand? Bah c'est tout de suite. Et puis on est à quelques semaines de Noël. Bah ouais, quelques semaines, bonne semaine. En espérant qu'on va pouvoir le passer en famille, ça serait bien. Il sera notre invité lundi au téléphone vers 17h30. Il est de Paris, Rodrigo Hayes. Vous l'avez aperçu à téléphone dans les choristes. Et bien il sera avec nous au téléphone, c'est ce lundi. Il a fait une belle reprise de Last Christmas. Voici Rodrigo Hayes. Ne ratez pas lundi ce rencard, 17h30 sur Radar Franciel. No quiero sufrir, mejor lo regalo a otra. Así. Rodrigo Ace. De todo corazón, les deseo feliz Navidad. Rodrigo Hayes, 18h47, ne ratez pas ce rendez-vous, je vous le file en plein. 17h30, c'est lundi sur votre radio couleur, il sera dans les studios, enfin au téléphone, hein, ouais, pas facile de venir de Paris hein, le matin. En tout cas, ça me fait plaisir de le recevoir, Rodrigo Hayes, que vous avez pu voir sur TF1. Et ben, dans les choristes, et bien il sera là, dans les studios de la radio. Makassi pour le meilleur des souvenirs, une belle reprise des Magic System. Tout de suite, c'est sur la française. Et puis, courage à vous si vous sortez du bureau, on est là. Plus le vieux, elle veut me mentir.

Nicky, Nicky Yam, l'artiste French, elle perdonne de Belmondo. Il est du Mans, il est pas très loin, à quelques heures d'Orléans, ça fait du bien de le retrouver. Et puis nous, bah, le nouveau Rancard, ça sera lundi, 16h30, 18h30, avec des nouveaux invités. Alors, je vous l'ai dit, hein, Rodrigo Hayes dans les studios. Le collectif Métissé, nouveau single qui sort dans les bacs vendredi. Eh bien, Samariba, le leader du groupe, sera au téléphone avec nous vers 18h, 18h30. Voilà, je vous souhaite un bon début de soirée, 18h54. Dans quelques minutes, c'est RDP Portugal et un peu de douceur avec All of Me, c'est de la Kiss, de la Kizomba, si vous voulez encore danser. Assise, pas plus, hein. À bientôt 19h, hein. Je vais vous retrouver lundi 16h30, en tout cas heureux d'avoir passé deux jours avec vous, on est bien sous le soleil, hein, un peu de kizomba, ça fait du bien, ça redonne le moral tout de suite. Et puis un artiste qu'on adore, qu'on va bientôt recevoir encore à la radio, Marquito, vous l'adorez, au Lusitano sur Radio Franciel. Cansado, que vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer a loucura do meu mundo que anda a sofrer. Gosto do fim de semana. Love. trabalho a demora, nunca se acaba, chico a hora, já estou cansado. Eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer. A altura do meu mundo que anda a viver, gosto do fim de semana. Et on adore ce Radio Arc-en-Ciel avec Marquito, le Zétano. Un petit coucou à Nicole. Il y a longtemps que je ne l'avais pas eu au téléphone, ma petite Nicole. Bah, essaye de nous rappeler, Nicole. RDP International, c'est tout de suite. Moi, je retrouve lundi, 16h30, 18h30, le mardi, 17h, 19h. Passe une excellente soirée sur la radio couleur. C'est Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Et le Portugal qui arrive avec RDP International, la famille. En Lisboa, Setúbal et Beja, la température peut chegar amanhã aos 19. 20 previstos para Faro e Santarém.